كذلك سكي عربة دمج La guerre des Rawafid, après la sortie de Dammaj, les gens ont dit c'est à cause de vos péchés, ce que vous êtes arrivé. On dit naam. À cause de nos péchés. Rasallah yafou anna. Mais ce que nous on vise par péché, c'est parce qu'eux ils visent par Allah non plus également. Eux ils visent quoi? Le fait que l'accusation qu'on ait parlé sur les savants, qu'on ait divisé la da'wah, et qu'on ait fait ceci et cela. C'est ça qu'ils visent par Allah. Il y en a même, c'est bien fait pour vous, ce qui vous arrive à Dammaj. Vous l'avez cherché. C'est bien fait pour vous. Ça fait même, comme ce Oussama al-Utaibi, sallallahu alayhi wa sallam, disait aux gens de Maj, tant que le Hajjouri il est là, vous ne serez pas libéré des Hawathan. C'est à cause de lui que ce qui vous arrive. Tant que vous le protégerez, qu'il sera en votre sein, vous allez subir. Donc on dit, naam, ce qui nous arrive, c'est à cause de nos péchés, notre taksir. Mais ce que vous, vous visez, ce n'est pas ce que nous, on vise. Nous, on vise nos vrais péchés. D'accord? Ce qui peut arriver comme riba, ce qui peut arriver comme taksir, ce qui peut arriver comme zemb, comme zonob, à la maison, avec les enfants, avec les femmes, et autres. D'accord? Hada, naam. Et personne n'est infaillible, et personne n'y échappe. Mais, ce que eux nous reprochent, naam, c'est pas ça. Et ça, on reste dessus, ça, aujourd'hui. Qu'il y a eu un haq, qu'il fallait bayen, qu'il fallait démontrer, on l'a démontré. D'accord? Et après, le haq, il faut en assumer ce qui va derrière. Cheikh Yahya, il dénonçait le mal des Rawafid. Donc qu'est-ce qui s'est passé au final? Ils ont voulu se venger. Naam. Et qu'est-ce qui s'est passé également? Comme pire chose, c'est que les gens ont abandonné. Ils ont abandonné, ils n'ont pas fait face. Et Cheikh Al-Uhaydan, Abdullah Ta'ala lui-même l'a dit, il était interrogé, est-ce que tu penses que ce qui est arrivé au Yémen, comme guerre et comme problème par la suite, à cause des Rawafid, cela est à cause de l'abandon des gens de Dammaj? Il a dit oui. Les gens n'ont pas aidé Dammaj, donc ils ont été touchés par le mal. Le mal était petit, après il s'est propagé. Ils n'ont pas voulu faire face. Donc ça les a touchés par la suite. Voilà la différence qu'il y a entre les deux calèmes. Et c'est ça, dans les ahadiths qui sont venus, lorsque les gens ne font pas une calème Munkar, le Munkar touche tout le monde au final. D'accord? Il touche tout le monde au final. Donc les gens avaient la possibilité à l'époque de faire face, avant que les Rawafid ne prennent cette ampleur. Ils ont laissé tomber. Les gens n'avaient rien à faire. Ils aimaient Rahimallah. Ils faisaient leur vie, ils mangeaient, ils faisaient la fête. Les gens de Dammaj étaient en hissar, blocus. Pour avoir dit la vérité. Malgré cela, Allah Azzawajal les a secourus. Sortis d'au milieu de leurs ennemis, la tête haute. Et au final, il s'est passé quoi? Après, les Rawafid sont arrivés, ils ont pris Imran, après ils ont pris Sana'a, et après ils ont pris partie du Nord, après ils ont voulu aller jusqu'à Aden. Alhamdoulilah, les gens d'Aden, ils ont refoulé, bifadullah ta'ala. Ils sont revenus là où ils étaient. Et aujourd'hui, c'est toujours là. Pourquoi? Parce qu'au début, la possibilité de faire face était là, les gens ont abandonné. Donc voilà. Donc c'est arrivé à Dammaj, c'est pas à cause du fait que Shariah il est parlé sur Foulen ou Foulen ou Foulen. Là, ce qu'il a dit sur les gens, c'est un rod ilmi avec des preuves. Que ce soit Sharabir, que ce soit Ubayd Jabiri, que ce soit Foulen ou Foulen, tout ça. Que ce soit l'Adani, que ce soit Mohamed al-Imam, tout ça, c'était des choses qu'on était fait avec science avec Adillah. D'accord? Avec Adillah. Regardez aujourd'hui Mohamed al-Imam. Main dans la main avec les Rawafid. Il fait leur éloge, il les remercie, il leur passe le salam. D'accord? Et réel zalika. Et la droite des Mèches, c'est dans tout le Yémen, alhamdoulilah, le Marrakez, dans tout le sud, à Aden, à Hadramaut, à Al-Mahra, en toute liberté. Donc, si jamais, justement, c'était un tort causé auparavant, pourquoi aujourd'hui les gens ils seraient dans un khayr aussi bien, aussi bon? Pourquoi? Même quand tu vois la Covid dans le monde, comment elle s'est propagée, regarde au Yémen, comment les gens, c'était bien. C'est venu, mais ils ont fait leur vie. Les masajid étaient ouverts pour presque tous, à part dans certains secteurs. La salade sans tabarou du fait de l'Aïta Ta'ala, doulous mustamirra, et les gens font leur vie. Alhamdulillah. Et mort qui devait mourir, et resté vivant qui devait rester vivant. Et les autres sont les moudayakat, certains n'ont plus de doulous du tout, plus de masajid du tout, plus rien du tout. Si on était comme eux, on dirait quoi? Mais on dit, c'est une chose qu'Allah Azzawajal l'a voulu. Et on dit, l'âme, que ce soit au Yémen ou ailleurs, ce qui est arrivé comme pandémie, c'est à cause de nos zunoub. Pour qu'on revienne à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est un rappel pour nous. Donc attention, on t'a taillé dire, ce qui t'arrive, c'est à cause de telle et telle chose. Charabi, elle a juré par Allah. ce qui nous est arrivé, c'est un châtiment d'Allah Azza wa Jal sur nous. Wa azama yajuz. Il a juré par Allah. Ce qui nous est arrivé des rawafid, c'est un châtiement d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'il y a des mettre là, le mal qiyama, il va rendre compte. C'est le khasim obiha. Et les gens le défendent. Les parents le défendent pour ça. Ta'ali ala Allah, ça vient dans le kitab tawhid après. Le fait de jurer sur Allah d'une chose à taille, c'est à cause de telle et telle chose. Et tu jures au nom d'Allah Azza wa Jal pour ça. Allez, azima hadi. Et aussi, justement, parmi les qara'in kawiyya, qu'est-ce qu'il y a eu à Demmaj ? Ce n'est pas comme les gens veulent l'entendre. C'est qu'on a vu les corps des frères après le premier hissar. Les corps des frères sortis, qui étaient intacts. Ça, c'est un châtiment d'Allah, ça. Et les gens peuvent dire, au moins, on l'a vu ce qu'on a vu. Vous n'étiez pas là, vous. Des gens ont vu, des rawafid ont vu, des journalistes ont vu, des gens, des contrées sont venus pour voir. Mais les gens, tellement ils ont la haine, ils ne veulent pas accepter. On dit, non, on l'a vu. Et comme on l'a dit, je l'ai dit plus d'une fois, qu'Allah nous maudit si on a menti là-dessus. Si on a menti de ce qu'on a vu comme miracle en sortant les corps, qu'Allah nous maudit sur le champ. La rahma d'Allah Azza wa Jal, la sakina qu'il y avait, malgré ce qu'il y avait comme tir, comme bombe et autres. La peur, elle était là, naam. Mais il y avait une sakina de quoi? D'être sur le haq. Que ce que tu fais, c'est, machour, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Et faire face à ton ennemi noblement, c'est min a'az ma yurtika Allah. De pouvoir faire face à ton ennemi de façon noble, la tête haute, c'est une chose que, par laquelle Allah Azza wa Jal t'anoblit. Dans ton ennemi, tu ne peux rien faire, il t'humilie, il te piétine, il te maltraite, comme la plupart des musulmans subissent en France. T'as un ennemi, tu ne peux pas faire face contre lui en France. Il fait ce qu'il veut, il rentre chez toi, il casse ta porte, tu ne peux rien faire. Il te met en prison, tu ne peux rien faire. Il prend tes enfants, tu ne peux rien faire. Il te bloque, tu ne sors pas du territoire, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Franchement, faire face au Houthi était tellement plus fort et tellement plus noble que de faire face à la France. Car là, tu as un djihad mashrou' avec les asbab, d'accord ? Alors que là-bas, tu subis. Tu ne fais pas face, tu subis. Et tu fais doa que Allah fasse que tu subisses le moins possible. Et là, on ne dit pas que toute personne en France subit. Mais de façon générale, ce qui arrive aux musulmans en France, de façon générale, c'est quoi ? C'est le dorf qui est là-bas, les marassés qui est là-bas, et que beaucoup peuvent partir, ne partent pas. Donc au final, eh ben, ils subissent l'injustice de l'ennemi. Et malgré cela, Allah qui les libère, qui les sauve, qui les secourt. Mais il ne faut pas se voiler la face. Tu es devant un ennemi, tu ne peux pas faire face à ce territoire. Tu n'as pas les moyens de faire face. Donc tu dois partir. In khayrun fa khayr, wa in sharrun fa sharrun. C'est-à-dire que votre part doit vous atteindre où vous soyez. Si jamais c'est un bien, vous faites du bien, vous aurez un bien. Vous faites du mal, vous aurez un mal. Et des fois, on voit un bien, alors ce n'est pas un bien pour nous. Ah, regarde ce qui m'arrive, telle chose. C'est que du bien, non. C'est de l'âge d'Allah, Azza wa Jal. Et des fois, tu vois une chose qui t'atteint, tu penses que c'est un mal, et ce n'est pas un mal pour toi, au contraire. Allah était abandonné par cette chose-là. Tu fasses des zunoub. Comme a dit le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, « Iza habba Allahu kouman asaba minhum, aw abtalahum » Lorsque Allah veut d'un peuple, il les aime, il les a fait atteindre d'épreuves. وَقَالَ إِنَّ عَظْمَ الْجَزَى مَعَظْمَ الْبَلَى فَمَنْ سَخِطَ فَلَيْسُخْتْ وَمَنْ رَضِيَ فَلَيْسُخْتْ. Et qu'il a dit que la plus grande récompense est que la plus grande épreuve. D'accord ? Et que celui qui se met en colère de ce qui lui arrive, il aura la colère d'Allah Azza wa Jal. Celui qui agrée, il aura l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَضَى اللَّهُ بِعَبْدِهِ شَرًّا أَحْمَلَ عَنْهُ حَتَّى جاء بذنوبي يوم القيامة وإذا رضى بي عبدي لخير عجل عنه العقوبة في الدنيا حتى لقي الله وليس عليه ذنوب وفي هذا المعنى تقريبا حديث يبقى trop en tête que si Allah Azza wa Jal veut pour son serviteur un mal, il le relaisse en ce bas monde qu'il accumule, il lui arrive rien parce qu'au jour du Qiyama il vient, il a tout à endosser. Et s'il veut pour lui un bien, alors il lui précipite justement le takfir de ses ذنوب en ce bas monde. Quand Sadio Berkhamma, il vient, il a moins de choses. Moins de comptes à rendre. On s'en va ensemble. Donc des fois, tu dis, ah, moi je vais bien, tout va bien. Inquiète-toi, pose-toi la question. Parce qu'Allah, il a promis l'épreuve aux croyants. Tu vois que tout va bien, tu n'arrives jamais à rien, pose-toi des questions. D'accord ? Et le contraire, Kazalik. Et tu le vois comment par rapport à ta religion ? Par rapport à ton dîn. Tu vois, ton dîn, alhamdoulilah, t'es fort. Et si t'atteins, attire ta santé, t'es bien seulement ou quoi, mais dans ta religion, tu restes sur le stikama, tu ne changes pas ou quoi, Inch'Allah, on espère que ce sera khair pour toi. Quand ce qui t'arrive. Mais si jamais tu vois que ta religion la prend un coup, et que tu changes, et que les zunoubs tu les accumules, là on craint pour toi, à ce moment-là. C'est un peu ça le mizen. Regarde ton djinn, comment ça. Regarde Ayoub, ce qui lui est arrivé comme maladie, il est resté sept. D'accord? Sept. Et d'autres gens, ce qui leur est arrivé, ils ont commencé à changer, à dévier. Là, on craint pour toi que ce qui t'arrive, ce soit une achetiment, fialin. Tu vois? Parce que c'est quoi la chose la plus importante? C'est ta religion. Ton mizen, c'est ton djinn. Ton mizen, c'est ton djinn.